Salut toi, où tu es, où tu vas, où cela mène, pas de mal mène, et on me mène un bateau à l'eau. Je prends avec moi deux trois petits tuyaux. C'est nouveau, pas de panique, je suis là et pas là-bas. Qui propose de costume, je m'installe, première partie, je découvre forum ouvert, j'ouvre le navigateur et papote, c'est un problème qui donne l'exemple, qui redonne contrôle surprise, qui donne l'image, et puis vient la Java, ça va. Je m'installe confortablement entre gens qui font le même métier, j'emballe, je navigue, porte ouverte sur le forum, si j'ai ouvert, j'ai la forme et le fond. Je l'ouvre et explore pour des vues et commentaires mal vus. Passons à revue les vues sur mon écran. Je suis sûr de moi, attention, contre surprise. Pas de panique, la souris me sourit et va prise de position. J'ai plus le contrôle de l'ordinateur qui est pas ça. Je tourne la tête, où est le problème? Vie privée, vie baisée, vie des idées, plein la tête. Ceci est inspiré d'une histoire vraie. La PMI nous propose d'aller faire nos démarches informatiques au LAN en face du kebab. Ok, le groupe prend le trajet et on s'installe dans la salle 6 PC. J'avertis que moi j'ai un ordinateur et que j'ai rien à faire là. Alors occupe-toi, Steve, sur l'ordinateur. Je prends le navigateur tranquille et vais sur le forum du land. Je vois quelques sujets vus, je m'intéresse à Autopic en ligne depuis le PC. Je valide et arrive, la souris se met à bouger toute seule. Oh, et qui est pas ça? Je tourne la tête vers l'administrateur du land et là. Il me dit qu'il a pris le contrôle de l'ordinateur. Je lui demande ce que j'ai fait. Il me dit t'as pas allé sur le forum. C'est privé, ok, mais pourquoi il y a la fiche? Vous polluez le forum, c'est pas ici qu'on fait cela. Mais vous avez à pas regarder ce que je fais. C'est mon choix, c'est moi l'administrateur réseau. C'est moi qui surveille. Tu surveilles quoi, les gens qui font leur CV? Allez, à la fin de l'heure, je me barre méprisé par la situation. Je regarde de l'air de dire toi t'as la bonne place et rentre chez moi. Yeah.